India, India, India, the dear Kama. India, India, the dear Kama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Avec mes amis, on se toujours. India, India, de Dieu Kama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Omi et Abi sont si doux, ils disent que je suis leur boutchou. Mes parents, je les aime beaucoup, mais India, India, India, de Dieu Kama. India, India, de Dieu Kama. La la la ilaha illallah. La la la ilaha illallah. Mon enfant, viens sur mes genoux et fais-moi un bisou sur la joue. Mon enfant, tu es plus cher que tout, mais moi j'aime Allah avant tout. India, India, India, de Dieu Kama. India, India, de Dieu Kama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. India, India, India, de Dieu Kama.